Dans les années 80, j'avais été invité lors d'une visite du ministre des Affaires étrangères au consulat de Russie à Montréal. Okay. Et là, on s'était fait servir du caviar, mais comme une table remplie de caviar, là, une table 4 par 8 là, avec des plats énormes. Puis je m'étais passé la réflexion, justement, je me disais, pour des communistes, là, ces gens-là, ils vivent bien, quand même. Exact. Alors, ça, c'est... exact. On dénonçait ça, mais c'est vrai que du temps du communisme, sur les bords de la mer Noire, etc., on sait que ceux qu'on appelait les apparatchiks, ceux qui étaient proches du Parti communiste, se payaient du caviar, puis de la vodka, puis en Wego. Ben, je trouve que ça ressemble à ça. Marouane, dans son chalet privé, réception privée à Charlevoix, pendant que le monde est tout pogné à gorge, 400 piastres par personne, moi, ça me choque. Vous en pensez quoi?